Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et Choc FM présentent la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à Objectif numérique, épisode 39. Au menu, une question d'un auditeur, un petit retour sur le Comic-Con de Montréal, l'appareil photo social de Q, des trucs contre le vol d'équipement photo, l'appareil photo de l'iPhone 5S, un aperçu du Nokia Lumia 1020, des trucs de pro avec un smartphone, Adobe lance un abonnement Creative Cloud pour photographes, et Adobe annonce aussi Photoshop Elements 12 et Premiere Elements 12. Et on a la critique du Sony RX100 Mark II. Stéphane Vaillancourt au micro. Et j'ai mes acolytes habituels, François Blanchette. Oui, salut. Christian Jarry. Bonjour. Et on a un invité, Benoît Chamontin. Bonjour. Alors voilà, ça va faire plaisir à nos auditeurs français, je pense à ça. On a un invité. Pas trop dépaysé. Oui, c'est ça. Mais ils vont trouver qu'il y a l'accent québécois maintenant, je suis pas mal sûr. Là. Donc, Benoît, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo? Je pense que... comme pour beaucoup de monde, ça vient aussi des parents, parfois. Mon père, moi, avait un boîtier argentique Canon, puis il fallait bien que je l'utilise aussi, parce que quand ton père fait quelque chose, t'as envie d'essayer un peu la même chose. Donc c'est vrai qu'au départ, je suis parti avec cet argentique-là pour m'amuser, puis j'adorais ça. Mais avant ça, je pense que c'est qu'à chaque fois que j'allais en colonie de vacances, j'avais un appareil photo jetable, tu sais, le truc qui prend des photos dégueulasses, mais t'avais des souvenirs, donc... J'avais l'impression de prendre des super photos de macro, justement. Tu vois, justement, aujourd'hui, il y a un retour à ce look-là. Ouais. Bon, c'est électronique, là, mais c'est quand même un retour à ce look de photo-là. C'est vrai. Et donc, du coup, c'est ça, là, je suis passé avec l'argentique, puis j'ai eu un Advantix aussi, un des rares à l'avoir, parce que ce marché n'a jamais décollé. Ouais. Et après, ben, évidemment, quand je suis parti, que j'avais plus toujours l'appareil de mon père, bah, il a fallu que je m'équipe. Donc, j'ai commencé avec un numérique qui était un 20D, puis un 30D, puis un 50D. Puis aujourd'hui. Ah, t'es passé du 20 au 30, ouais, t'as fait déjà, ok. Parce que la plupart du temps, les gens vont sauter une génération, disons, mais... Non, le 20D, c'est mon père, le 30, c'était moi, le 50D, c'était moi aussi. Ok, ouais. Parfait. Tu fais bien de... tu connais mieux ma vie que moi, Fred. En fait, je le savais pas, mais bon, ça m'étonnait que, justement, t'aies fait le... Comme moi, avec mon 60D, le 70D vient de sortir, je ferai pas la mise à niveau vers le 70D. En fait, je vais voir, là... J'ai un beau petit 5D Mark III devant les yeux. Je sais pas qui l'a apporté. Mais peut-être qu'éventuellement, je vais passer au full frame. Là, on va voir, mais à suivre. Donc, Benoît, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux, les réseaux sociaux? Écoute, on peut me retrouver facilement à Béchamontin. Béchamontin, on me retrouve sur Twitter, sur Flickr, mais j'ai plus mis à jour depuis tellement longtemps, mais vous m'avez motivé ce soir. Bon, donc, parfait. C'est excellent. Et sinon, évidemment, le site Geeks & Com, donc geeksandcom.com, on parle de communication, médias sociaux, marketing, nouvelles technologies, et on est présent évidemment sur Twitter, Facebook et Google+. Super. Contrairement à François. Et... Donc, avant de débuter, je vais faire un petit appel au vote parce qu'on a le défi numéro 6 sur les moyens de transport qui... Les soumissions sont maintenant terminées et c'est maintenant le temps d'aller voter. Sur Flickr, vous cliquez sur la petite étoile pour votre photo préférée. On a un beau prix de 500 pics, un abonnement d'un an au plan Awesome! Yeah! Et c'est une valeur de 75$ tout de même... Et Il me semble que j'entends la voix de Unreal Tournament. Là, awesome! Awesome! Je ne sais pas s'il disait, mais j'entends cette voix-là. Quand tu dis non, je ne sais pas. Moi, je viens de penser à quelque chose qui est assez ironique, de penser que notre concours est sur Flickr pour donner un abonnement à un autre. C'est pas grave, j'ai juste... Ça vient juste de me cliquer comme ça. C'est comique. Ah, la convergence. Ah, ouais. Oui. Ben, en fait, c'est... Peut-être qu'un jour, on changera, mais... Non, mais ça, c'est pas une question de vouloir changer. C'est juste drôle. Tu sais, c'est pas... On salue nos amis chez Flickr. Oui, c'est ça. C'est ça. On est tous... on est bribable. On accepte les pots de vin, nous autres. Enfin. Donc, c'est ça. Vous irez voter sur le... Vous allez sur Flickr, vous cherchez Objectif numérique et vous allez trouver l'album numéro 6 pour voter. Évidemment, les autres albums, vous pouvez toujours cliquer sur la petite étoile, mais ça ne comptera pas pour un vote puisque ces concours-là sont terminés. Maintenant, on a reçu une question d'un régulier, Steve Lévesque, Camelot78 sur Twitter. Steve nous demande pourquoi un objectif qu'une amie à lui s'est acheté pour son Canon XSI, le 450D, pourquoi l'objectif ne fonctionne pas sur son Canon 6D? Et il aimerait savoir quelle est la différence entre les types d'objectifs sur le marché. Et François va lui offrir une petite réponse. Bonsoir, Steve. Ou bonjour, ça dépend à quel moment que tu écoutes. En fait, il y a deux types d'objectifs chez Canon, EF et EFS. EF, c'est celui qu'on va trouver avec un petit point rouge. Le petit point rouge qui nous sert à arrimer l'objectif sur le boîtier. Et les EFS, il y a un point rouge et un petit carré blanc. Le petit carré blanc signifie que c'est un objectif pour les capteurs rognés. Et pourquoi il y a une différence? Mais en fait, il y a une différence physique entre les deux points d'attache. Sur les EFS, la bague d'arrimage se retrouve à entrer un peu plus creux dans le boîtier. Okay. C'est carrément une conception pour pouvoir arriver à avoir l'image correctement sur le capteur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est arrimer un objectif EF sur une caméra qui a un capteur rogné, mais on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas fixer un objectif EFS sur un capteur plein format. Il peut carrément pas s'arrimer, il va s'accoter carrément contre le capteur. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a fabriqué une baïonnette différente pour qu'il ne puisse pas s'arrimer, parce que ça ne fonctionnera pas, tout simplement. D'accord. Merci bien. Maintenant, je vais faire un bref retour sur le Comic-Con de Montréal, parce que ça avait lieu tout récemment. Et je suis allé faire un peu de photos. Et c'est le genre d'endroit où les gens se costument, évidemment. Il y a beaucoup de cosplay et tout ça. Donc, c'est l'endroit parfait pour faire de la photo. Et si vous n'avez pas vu la petite galerie photo, j'ai publié des photos sur mon compte Flickr personnel, qui est le Technophile. Mais dans ce genre d'endroit... il faut arriver généralement soit avec un flash, idéalement un flash externe pour pas avoir le fameux flash intégré qui va créer des ombres derrière les gens et tout ça, ou avoir un objectif assez ouvert. Donc moi j'avais le fameux Sigma 2.8 et j'ai réussi à m'en tirer quand même avec un ISO 800 parce que je le dis souvent, à ISO 1600, mon 60D, ça commence à faire du bruit. Mais j'ai été moi-même étonné des résultats, mais on prend de l'expérience avec le temps. On découvre des trucs, on réussit à faire des choses avec son appareil qu'on ne réussissait pas à faire il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de bien connaître son boîtier et de se pratiquer dans son jardin, dans son salon, n'importe où. Faire le plus de photos possible pour que quand on arrive dans un événement comme ça où on ne peut pas reprendre les photos, parce que les gens, ils sont bien sympathiques, mais ils se font prendre en photo. Il y a un certain degré de tolérance. Oui, c'est ça. Donc, tu prends les gens en photo et tu peux peut-être la reprendre une fois, mais tu ne peux pas passer la journée à faire ça. Donc, ça m'est arrivé une reprise ou deux, là, que soit qu'il y avait des gens qui étaient vraiment derrière la personne puis ça faisait bizarre un peu, ou que j'ai manqué un truc et là, je demandais juste une minute, je la reprends, mais il faut vraiment agir vite. Et c'est à ce moment-là qu'on est content d'avoir une certaine expérience, d'avoir quelques dizaines de milliers de clichés au compteur. Voilà. Donc, c'est tout simplement un petit conseil. Si vous allez dans un événement comme ça, assurez-vous de vous être pratiqué un peu à l'avance. À la limite, j'ai une suggestion parce que hier, je suis allé visiter le musée Grévin, qui est un musée de statues de cire, de personnalités diverses. Et évidemment, je suis allé à celui de Montréal, mais il y en a un en France aussi, je crois, à Paris. À Paris. Donc, j'ai réalisé hier que c'est l'endroit parfait pour pratiquer la photo de portrait. Parce c'est que vrai. Les gens n'attendent pas après toi. Non, c'est un bon point. Puis l'éclairage est moyen dans beaucoup de pièces, donc c'est un bon endroit pour expérimenter les angles de photo et tout ouais. ça. Je me suis amusé et même on est venu me chercher parce que je retardais le groupe éventuellement parce qu'il y avait une présentation puis il y a quelqu'un qui devait donner une présentation d'un produit. Et là, j'ai dû aller les rejoindre parce que je m'attardais un peu trop à faire mes angles de photo et tout ça, mes expérimentations. Mais tout ça pour dire que si vous avez un moyen, une occasion de vous pratiquer comme ça, c'est génial. Ouais, puis c'est drôle parce que toi, tu as eu cette expérience-là. Moi, j'ai fait un mariage il n'y a pas longtemps. Puis au début de la cérémonie, moi, j'utilisais beaucoup mon Gary Fong, mon diffuseur. Oui. Puis ça a été très, très utile, particulièrement dans quand est arrivé le temps de la cérémonie où c'était très, très, très sombre. Avant, ça n'a pas été un problème. Puis vers la fin de la soirée, là, je trouvais ça intéressant parce que le disc jockey avait des lumières, des lasers, puis tout ça, mais essayer de prendre des photos avec ça, ça tue le laser complètement. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Là, je l'ai enlevé, puis je l'ai fait rebondir au plafond. Je l'ai mis une photo pas très rapide, puis j'ai réussi à les prendre, puis à les voir super bien, tout ce que j'avais voulu faire, puis... Tu sais, je veux dire, c'est juste en essayant. Mm-hmm. Je me suis dit, coudonc, si j'essayais ça, puis là, j'ai modifié mes affaires, puis j'ai pris des risques, puis oups, résultat était super bon. Essayez. C'est ça. Faire quelques coups d'essai avant de vraiment dire, OK, là, je vais prendre des gens, je vais leur demander de poser pour moi. Faites des tests avant, justement, pratiquez-vous. Le disque de jockey ira nulle part, donc vous pouvez vous pratiquer avec lui ou avec les lumières ambiantes. Puis ensuite, ben là, vous allez photographier les gens. Puis au moins, ben, vous avez pu faire quelques essais. Exact. Maintenant, je vous parle d'un petit appareil photo, un nouveau type d'appareil photo qui s'appelle The Q. Et c'est un appareil photo dit social pour partager des photos sur vos réseaux sociaux préférés grâce à une connexion 3G intégrée. On peut partager sur ce qu'ils appellent The Q Lab, donc une espèce de site où ils vont héberger vos photos. Mais vous pouvez aussi garder certaines photos privées si vous le souhaitez. C'est un petit appareil, je crois, à autour de 200$ qui va se vendre avec un boîtier étanche, ce qui est intéressant. Et il y a un flash circulaire qui entoure l'objectif. Ah oui, donc, OK. Comme un ring, là. Un ring light en français, là, ouais. C'est ça. Oui, en bon français. j'ai oublié le terme, malheureusement, mais un flash circulaire. Et bon, c'est pas un appareil à tout casser, là, évidemment, pour 200$, on a un capteur de 5 mégapixels. C'est un objectif à focale fixe de 24 mm, mais à une ouverture de f2.4, ce qui est quand même intéressant. À l'arrière, il y a un écran de 2.7 pouces et il y a 2 gigaoctets de mémoire interne, mais je présume que c'est extensible, évidemment. Ben, si tu vraiment, de toute façon, au pire, tu les envoies directement, c'est ta connexion. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, 2 gigaoctets avec des photos de JPEG de 5 mégapixels, c'est... Il y en a plus qu'en masse. Ouais, c'est ça. Puis la connexion, est-ce qu'on sait comment elle est gérée? Faut-tu t'aies un abonnement? Ouais, ben c'est une connexion 3G, donc tu dois prendre un abonnement auprès d'un fournisseur. Mais là, reste à savoir, est-ce que ça va venir au Canada? Est-ce que ça va faire comme les iPads 3G et tout ça? Je pose la question parce que, exemple, je sais pas si vous connaissez le Kindle d'Amazon. Mm-hmm. Aux États-Unis, il y a une connexion 3G, mais c'est Amazon qui la paye. Ah, OK. C'est pour ça que je pose la question. Non, je crois pas. Ben, en tout cas, au Canada, ça m'étonne. Non, il y avait des mots dans ma phrase qui étaient dits « aux États-Unis ». Oui, c'est ça. Et maintenant, une petite intro de musique de violon. On va parler de vol d'équipement photo. Avec Benoît, c'est une mésaventure qui lui est arrivée, malheureusement. Et à Christian aussi, il y a quelques années. Mm-hmm. Mais Benoît, c'est tout récent, c'est cet été. Et c'est pour ça que je lui ai proposé de venir en parler parce que son expérience est encore toute fraîche en mémoire. T'as voulu le torturer, finalement. Oui, raviver la plaie. C'est la thérapie de groupe, ce soir, en fait. Ah, c'est bon, ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Quel équipement avais-tu? Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est passé simplement. J'étais dans un restaurant en terrasse, une terrasse fermée, puis... Avec moi, j'ai mon sac d'équipement, d'appareil photo, avec mon ordinateur, puis ma caméra vidéo. J'étais à un événement, donc j'avais tout ça avec moi. Et c'est au pied de ma chaise, donc on mange, puis à la fin du repas, quand je vais pour prendre mon sac, il n'y avait plus mon sac, il y avait juste mon trépied. Oh. Donc évidemment, bah, tout de suite, là, tu te poses des questions. Mais c'est un événement privé? C'était un événement privé, mais je suis allé manger à l'extérieur de l'événement. OK. Ce serait plus simple à gérer dans le cas d'un événement. Ouais. Parce qu'il y a... OK. Et donc, évidemment, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai bien pris mon sac? Est-ce que... Tu demandes à la personne avec qui tu manges, puis bon, elle te dit oui, t'avais pris ton sac, puis donc du coup, tu pars un peu à la recherche de témoins, puis tu te rends compte qu'on te l'a vraiment volé. Donc, Puis ça se passe vite, hein, c'est ça, ils ont tellement de trucs aujourd'hui. Ouais. Puis la mésaventure est arrivée la semaine d'après, justement, à une équipe de journalistes au Québec, là, donc, qui s'est fait voler aussi son sac avec tout son matériel. Donc bon, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient à l'affût de ce genre de sacs et d'appareils. Mais c'est ce qu'on parlait aussi un peu quand on parlait de photos de voyage et compagnie, d'avoir, quand on a un sac qui est vraiment, premièrement, qui est écrit, disons, low pro dessus ou des trucs du genre, c'est clair qu'il y a de l'équipement photographique à l'intérieur. Aussi, là, ils ont vu que tu avais un trépied, donc forcément, il y avait du matériel, soit photo ou vidéo, ou les deux. Tu vois, ils ont eu le jackpot, eux, même avec un... Et avec un laptop aussi, ouais, même avec un portable. Ouais. Donc, sinon, c'est ça. Je présume que après coup, tu revis les événements et tu as dû penser à des trucs que tu aurais pu faire, des choses que tu aurais pu faire pour éviter que ça se produise. Oui, c'est après coup que tu réalises que finalement, il y a plein de choses qui te paraissent naturelles, mais que tu fais pas forcément parce que, bon, soit tu es un peu feignant, soit. Bon, ben, tu sais, t'as plein de choses à faire, puis tu t'en occupes pas. Ouais. J'ai listé un petit peu ce qui est important de faire avant. Avant un vol, qu'on le sait pas, mais ouais, c'est pour prévenir. Et puis des choses qu'il faut faire après le vol. Donc avant le vol, évidemment, avant le vol. En tout cas, quand vous achetez un appareil, ça paraît évident, mais il faut penser à bien garder ses factures, puis pas les mettre dans un coin, se dire ah écoute, je vais les retrouver si jamais il m'arrive quelque chose. Je peux donner même un conseil de plus, parce que malheureusement, j'avais perdu la facture de ma caméra, ce qui n'est pas mon genre, vraiment pas, puis j'étais incapable de la retrouver. Mais par chance, j'avais gardé la boîte. À garder vos boîtes de caméra, d'objectifs, etc., parce que l'assurance considère que c'est la même chose. Moi, ce que je fais, petite parenthèse, je les scanne, je les numérise. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, ayez les deux, scanner, puis garder la facture, garder la boîte, c'est très important parce que dessus, vous avez le numéro de série, puis il y a beaucoup d'éléments qui pourront vous servir par la suite dans vos déclarations. Évidemment, regardez l'assurance que vous avez. Parfois, c'est compris dans l'assurance maison pour ceux qui ont une assurance maison ici. Puis en France, je crois que ça fonctionnait de la même manière. Regardez aussi votre assurance avec votre carte de crédit. Dans le cas du laptop, en l'occurrence, ça faisait moins de 90 jours qu'on l'avait acheté. Donc, il y a eu un remboursement qui venait automatiquement avec la carte de crédit. Ah, c'est bien ça. Mais en tout cas, assurez votre matériel, c'est très important. Vérifiez comment ça fonctionne de ce côté-là. Le choix du sac aussi est important. Alors, à plusieurs niveaux, d'abord, parce qu'on peut vous voler vos appareils juste en ouvrant votre sac. Donc, vérifiez les ouvertures. Ça a guidé mon choix du nouveau sac de voir que les fermetures étaient doublées, que l'ouverture pour l'appareil était sur le côté mais était fermée avec un grip. Et à l'intérieur aussi. Donc, ce choix-là est important à ce niveau-là. Mais ensuite, prenez le sac en fonction du type d'événement que vous avez aussi. Je sais que moi, j'ai un gros sac avec tout mon matériel à chaque fois. Mais parfois, ça ne vaut pas le coup de prendre ce sac-là. Peut-être que vous avez un sac plus urbain et qui va très bien avec l'appareil que vous avez. Ça passe beaucoup plus inaperçu. Et ça attire moins le regard des personnes qui pourraient être attirées à prendre votre matériel. Évidemment, mettez pas la partie administrative avec votre sac, c'est-à-dire tout ce qui est vos papiers d'identité, essayez de les garder sur vous, ce qui n'était pas mon cas. Donc, voilà. Moi, il y avait mes cartes de crédit sur moi, mais pas la partie ma carte de résident, etc. Tout était avec mon sac. Ça paraît évident, mais souvent on se dit bon, bah tiens, je vais me délester dans mon sac à dos parce que j'ai pas envie d'être gêné dans l'événement pour bouger. C'est une grosse erreur. Je suis assez paranoïaque là-dessus. Il quitte rarement mon pantalon, disons ouf. Et moi, j'ai aussi une petite paranoïa au niveau des photos que je prends. Quand je considère que j'ai pris pas mal de photos, ou si je suis en voyage ou tout ça, je vais changer ma carte SD puis je la mets dans ma poche. Donc, comme ça, je me dis, si je me fais voler mon appareil, au moins, je garde quelques photos en souvenir. Ouais. À la limite, j'ai pas tout perdu, y compris mes souvenirs. Là. Non, c'est ça. Même si vous avez des grosses cartes SD ou Compact Flash, n'hésitez pas à les sauvegarder régulièrement. Ou si vous avez des cartes avec du Wi-Fi dessus, c'est encore plus pratique parce que vous n'avez pas besoin d'y penser. Alors, certaines personnes vont plus loin, mais je sais que, par exemple, quand vous asseyez quelque part, mettez la hanse du sac à dos enroulé dans votre chaise, parce qu'évidemment la personne partira pas avec votre chaise, donc, souvent simplement passer une patte par-dessus la courroie. Puis s'il vient pour partir avec, soit qu'il va justement faire tomber la chaise ou il va réaliser il va essayer de partir avec vous, puis ça marchera pas et voilà, c'est trop lourd. Ouais. Donc pas dans mon cas, mais dans le mien la chaise ne bouge pas. Depuis je me suis renseigné aussi, puis j'ai vu qu'il y avait une puce GPS qu'on peut mettre sur son porte-clés ou dans son sac à dos qui s'appelle Tile. Du coup, j'ai un peu regardé comment ça fonctionnait. Ça ne m'a pas totalement convaincu, mais j'aime ce système. J'aimerais que ce soit plus développé. C'est-à-dire, pour faire une parenthèse sur comment fonctionne le système, d'abord, c'est une pile qui est inamovible, donc ça dure un an. On le met dans les endroits qu'on souhaite protéger. Et après, la manière dont fonctionnera le système, c'est que en fonction de votre téléphone, il va voir la distance où se trouve cette petite puce GPS. Mm-hmm. Ou si c'est plus loin que votre téléphone, ça va faire appel à la communauté qui ont déjà l'application Tile. Donc du coup, il faut qu'il y ait une communauté autour de ça. J'ai lu un peu sur le truc, c'est pas GPS, c'est Bluetooth. Et puis, effectivement, si c'est en dehors de ton range Bluetooth, OK, tu peux plus rien faire. Non. Par contre, si un téléphone quelconque passe près qui peut reconnaître le signal Bluetooth, là, c'est là qu'il y a... Exactement. Ouais. Ça compte sur la communauté des personnes. Alors, l'inconvénient pour l'instant, c'est que c'est seulement C'est pas iOS. Assez répandu. Ouais, c'est ça. C'est seulement iOS, c'est vrai que c'était pas assez répandu. Mais c'est une solution vers laquelle je pense qu'on va tous aller parce que c'est très, très petit, très compact. On peut le mettre dans n'importe quel sac sans que ça se voit. J'ai trouvé cette idée intéressante. Ouais. Mm-hmm. J'y rajouterais même, d'ailleurs, parce que je sais que c'est dans mon cas, mon Bluetooth est toujours désactivé sur mon téléphone. Pas juste ça, il faut que tu aies l'application aussi. C'est ça. Parce que ça ne peut pas se parler s'il ne reconnaît pas les paramètres. Là. Mais bon, l'idée est vraiment bonne. Elle est intéressante, c'est sûr. Regarde, je le ferais. Je ne sais pas c'est quoi le coût. Je le ferais quasiment juste parce qu'au cas où. On ne sait jamais. Non, moi, je mettrais ça dans le tiroir des technologies qui, malheureusement, ne vont pas faire... vont pas s'installer, je pense. C'est trop spécifique. Pas assez de gens qui vont avoir l'application... C'est un bel essai, mais je pense pas que ça va se rendre loin. Je pense que ça intéressera d'autres gros acteurs qui vont arriver et qui prendront la place. Ouais, il faut qu'il y ait un Google ou qu'il y ait un Apple qui prenne cette idée-là et qu'il la transforme. Ouais, qui a la clientèle. Ouais, c'est ça. Pour terminer sur avant, certaines personnes en ligne parlent d'étiqueter son appareil. Bon, c'est pas bête, si ce n'est que si tu le perds... Ça peut toujours servir au moins pour ça. Ça servira pas au voleur, mais si tu l'oublies quelque part... Tu l'oublies dans une salle de réception, puis là, tu sais que t'es le dernier à quitter. Il reste seulement la femme de ménage ou, tu sais... Je veux dire, on l'a tous vu passer de temps en temps sur Facebook, sur les médias sociaux. Des gens, ils disent « Ah, j'ai trouvé tel appareil photo, voilà des photos. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? » S'il y avait eu une petite étiquette dans le sac, ça aurait été plus facile à retrouver. Il reste encore... Des gens honnêtes, il y en a encore. Quand l'appareil est perdu. En parlant de gens honnêtes, justement, d'autres personnes disent qu'il faudrait mettre un fichier texte dans la carte avec son adresse, son numéro de téléphone pour le contacter. Alors, il faut tomber sur la personne honnête qui va récupérer, pas celle qui va être intéressée à aller chez vous après. Tout comme, d'ailleurs, ça, c'est dans ma caméra. Je sais que moi, de la 7D, on peut mettre vraiment c'est qui l'auteur. Et moi, j'ai marqué mon numéro de téléphone et mon nom dedans. Fait que, encore une fois. Il n'y a pas grand chose à faire là-dessus, mais on ne sait jamais. Après, écoute, quand ça t'arrive, faut agir rapidement. Tu pleures. tu deviens un peu paranoïaque en te demandant si tout va bien, mais si tu l'avais vraiment avec toi. Mais il faut vraiment relever tous les détails de la scène de crime. Vraiment regarder autour de toi, tu sais comment ça se passait, puis les entrées qui étaient possibles, etc. Parce que tu vas devoir le décrire par la suite. Puis il ne faut pas hésiter à demander aux personnes autour de toi si elles ont vu quelque chose, quelqu'un. Généralement, malheureusement, ben, la personne est assez douée pour le faire discrètement, ouais. même avec un gros sac. Mais on va te poser ces questions-là, donc c'est important. Et ensuite, il faut te rendre au poste de police le plus proche pour faire ta déclaration. Ils vont te demander la valeur de tes produits. Je sais qu'ici, tu peux simplement les appeler parce que moi, c'est ce que j'avais fait. Tu fais simplement appeler ton poste de quartier puis ça règle le problème. Ah, okay. Tu perds moins de temps que moi, alors. Parce que moi, je me suis essayé. Je me suis dit, bon, ça me tentait pas de me déplacer. J'ai juste essayé d'appeler. Il dit, oh, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire votre déclaration par téléphone. Fait que... Ben, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le montant que tu vas mettre des produits dedans n'a pas de valeur pour l'assurance en tant que telle. Donc tu peux te tromper, ce qui était mon cas, puis je me suis fait un peu chamailler après. Mais si jamais tu dis que ton appareil valait 1 200 $ puis qu'il valait 1 500, ben, l'assurance, elle prend le prix de ta facture. Donc faut pas avoir de pression là-dessus, ça n'a pas de valeur légale en tant que telle. C'est important de le faire, même si, on va être franc, la police... va pas faire une énorme enquête parce qu'on t'a volé ton appareil. Non, ils n'ont aucune enquête. Malheureusement. Je peux dire, sincèrement, il n'y en a aucune de fait. Juste après, ben, il faut appeler l'assurance. Ça, c'est évident. Bon, si vous avez des papiers, des cartes de crédit, bon, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut les annuler. Tout ça. Ouais. Des papiers plus de visa, ben, c'est pareil. Là. Il faut penser à tout déclarer. Toi, tu as eu la totale. C'est ça. J'expérimente tout ou j'expérimente rien. C'est du tout ou rien. Oui. C'est ça, l'assurance va vous envoyer un formulaire, il faut le remplir, il faut le renvoyer. Et ensuite, moi, je vous engage à regarder un petit peu les sites de vente en ligne, parce que... Craigslist et compagnie. Craigslist, au Québec, c'est Craigslist, Kijiji, les packs. Exactement. Ouais. C'est incontournable. Après, il y aura toujours des personnes suspectes, mais bon, c'est à vous de mener votre enquête, puis faut être à l'aise avec ça. Mais parfois, les personnes vendent tout ce qu'on vous a volé, ils le vendent en même temps. Là. Donc, c'est pas très malin. Sinon, vous pouvez aller plus loin. Il y a des sites qui tracent sur le web le numéro de série embarqué dans l'appareil, parce que dans les exifs, on peut lire le numéro de série. Ouais. C'est par exemple cameratrace.com ou stolencamerafinder.com. Si vous avez oublié votre numéro de série, il est sur la boîte de votre appareil, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez soumettre une photo et lui, il va lire les exifs, voir le numéro de série. Et donc, ce sont des services gratuits. Il peut y avoir une version payante qui vous envoie une alerte dès qu'il y a l'appareil qui réapparaît. Il va regarder ce qui est mis en ligne comme photo pour regarder dès que le numéro de série apparaît. Donc, okay. Ça peut être très pratique par la suite. Pour l'instant, c'est toujours pas réapparu dans mon cas. Mais non, moi non plus. J'avais essayé. Faudrait que je réessaye pour le fun. Ça fait une couple d'années, on sait jamais. Peut sortir, sortir n'importe quand. Hein? Tout à fait. Ouais. Ça change de main. La ça peut avoir changé de main 2-3 fois depuis. Fait que... Ouais. Donc, c'est un petit peu tout ce que moi j'ai noté avant, après. C'est vrai que ça me travaille toujours aujourd'hui que j'ai racheté un appareil et puis un sac à dos. Ça me travaille. Ouais, encore, là, t'es plus prudent, plus paranoïaque un peu. Ouais. Moi aussi, même si dans le fond, en réalité, j'ai été gagnant, parce que moi, avec l'argent que j'avais accumulé de tout l'équipement, puis j'avais eu la chance, moi, que j'avais la valeur à neuf, puis beaucoup des équipements avaient été achetés usagés, mais pour l'assurance, ils te donnent le prix. 9. Fait que pour moi, ben, je me suis ramassé que j'avais beaucoup plus d'argent que ce que j'ai payé en réalité. Wow. C'est rare que ça arrive, mais je m'en plaindrai sûrement pas. Puis en plus, il disait, t'as une franchise de 500 $. Bon, ok, c'est correct, mais vous êtes un bon client. Puis ça fait plusieurs années que vous êtes avec nous autres, fait qu'on vous crédite 300 $. Wow. Ah, j'étais là. Tu sais, autant je voulais pleurer quand c'est arrivé que finalement j'ai fait... Là, tu voulais pleurer de joie. Ben oui, là, la 7D, elle devenait tout à coup très intéressante, là. J'aurais dû te prendre comme agent, je pense. Ouais, hein? Avoir su, je t'en aurais parlé. Bon, parfait. On a fait le tour de la question. On a fait le tour. Maintenant, je suis moins triste qu'avant. Mais... Bon. Puis tu vas peut-être avoir aidé des gens ou, tu sais, sans le savoir, il y a des gens peut-être qui vont prendre certaines habitudes. Puis ça va éviter des vols. Mais surtout, c'est ça. Là. C'est ne pas se dire que ça arrive qu'aux autres. Moi, c'était dans mon cas, je me suis toujours dit, bon, j'ai pas de problème. J'ai toujours mon sac à côté de moi, par terre. C'est ça. Mais moi, non, non, bien préparer tout, même si ça vous arrive jamais. Là. Ouais, ouais. Moi, j'avoue qu'hier, ben, on était ensemble hier dans un événement, puis il y avait que nous. Donc là, j'ai laissé mon sac par terre, puis j'avoue que je l'ai perdu de vue à quelques reprises, mais je savais que si le sac disparaissait, on était une douzaine, puis il y avait 2-3 employés, c'est tout. Ça aurait pas été trop difficile de retrouver où le sac était rendu. Enfin. Ben, merci beaucoup, Benoît, d'avoir partagé ton expérience. Un plaisir de partager mon accent. Ton accent, oui. Merci bien. Et maintenant, on va passer à Christian qui va nous parler de l'appareil photo de l'iPhone 5S. En fait, est-ce que cet appareil photo va devenir l'appareil photo le plus populaire de tous les temps? Ben, y a des bonnes chances. Il y a de bonnes chances parce que c'est déjà, si on regarde sur les sites sociaux, etc., c'est déjà la grosse majorité des photos sont partagées, qui sont partagées, c'est des iPhones. À savoir, les bonnes photos, ça se débat. Ouais. Disons qu'on partira pas sur ce point-là. Non, mais c'est pas la question non plus. C'est vraiment en termes de quantité, de chiffres bruts. Mais je trouve que Apple a fait beaucoup de bonnes décisions avec son appareil photo pour le 5S. Faut-il bien spécifier, parce que c'est pas le même que le 5C. Le capteur n'est pas plus gros, mais par contre, les photosites sont 15% plus gros. Fait que ça fait que, oui, on a toujours la même chose, mais plus sensible. Donc, on devrait techniquement avoir une meilleure image. Et moins de bruit, moins un bruit, peu en faible luminosité. Exactement. Probablement autour de 15% moins de bruit, je pense. Je ne sais pas si ça se traduit exactement comme ça, mais ça ferait du sens. Non, je lance un chiffre non, comme mais ça mais se pourrait. Ça devrait se traduire à peu près proportionnellement. On parle d'un objectif à 2.2. Ça, c'est très bon. Mais les objectifs, en général, depuis le 4S, sont quand même assez bons là, pour des téléphones. Là. C'est quand même pas si mal. Ouais. Ils disent qu'il y a une couverture en cristal saphir pour empêcher de la rayer. Oui, de l'égratigner. Ça m'est arrivé. Fait que c'est pas désagréable. Il y a deux flashs. Ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Il y a un flash plus froid et un flash plus chaud. Je pense que ça, le potentiel est assez intéressant par rapport à ces deux-là. Il y en a un qui sort plus bleu, puis l'autre sort plus orange, rouge. Orangé, okay. C'est ça, plus chaud, finalement. Ouais, ouais. Bon, encore 5 éléments pour l'objectif. Tu sais, je veux dire, les autres, c'est pas mal toutes les mêmes choses là, qui étaient déjà disponibles. Le panorama, Rafale? Il y a un mode rafale, oui. Je t'ai pas rendu là encore. Ah, pardon. Le mode rafale, 10 images à seconde. Ce qui est quand même assez bien. Ouais. Puis ce que lui, il fait, c'est qu'il prend 10 images à seconde, puis le logiciel va suggérer ce qu'il considère comme la meilleure photo. Fini les yeux à demi fermés ou les trucs du genre. Je suis curieux de voir ce bout-là, parce que ça me fait rire un peu. Moi, ben, je suis pas sûr, le fini les yeux fermés, ça va être à toi de le déterminer. Je pense pas que le logiciel va être capable de le faire. Ben, s'il y a une détection de visage, il va voir ce qui correspond au meilleur pourcentage d'un visage, puis il va te le proposer. Si tu as les yeux fermés versus les yeux ouverts, d'après moi, il va être capable de le distinguer. Moi, je pensais plutôt de ce que je lisais, c'était plus par rapport à la clarté, si tu bouges, si des affaires comme ça, les bougies, les flous, etc. Mm-hmm. D'après moi, c'est plus là qu'il va être surtout gagnant. Là. Ouais. Mais enfin, on verra bien. Non, c'est ça. Puis bon, tu sais, il y a plus de facilité à les partager avec AirDrop, iPhoto, etc. Il y a un mode slow motion aussi qui a été rajouté. Oui, parce qu'il tourne la vidéo, c'est ça, en 120 images secondes, en 720p, je crois, c'est ça. Oui, en 720p? Oui. Oh. Mais c'est quand même, bien. C'est parfait, c'est 720p. Même si tu as un téléviseur 1080, tu regardes un truc en 720, ça sort très bien. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils qui défient. Non, c'est ça. Non. On tombe dans le HTC One, je pense, le fait. Oui, puis ça, c'est l'ère de jeu des GoPro, des contours. Exact. Puis des appareils photo qui font du mode vidéo. Ouais, donc, c'est un smartphone qui fait du 720p à combien d'images secondes? 120. 120, c'est incroyable. Moi, c'est la première fois que je l'entends. T'as des meilleurs ralentis qu'au hockey. Non. Ils sont à combien? Beaucoup plus que ça. Plus que ça? Ah oui. Okay. On tombe dans le 240 au moins. Ah bon. En tout cas, mais tout ça pour dire que, je veux dire, on parle de 720 versus 1080, puis j'avais vu beaucoup de reportages, moi, qui disaient que la grosse majorité de la population n'est pas capable de voir la différence entre l'un et l'autre. Mais c'est que souvent, t'es comme à 3-4 mètres de ton téléviseur, ben disons, peut-être 2 à 3 mètres. Oui, oui. Mais ça dépend de la grosseur du téléviseur, ça dépend de beaucoup de points rendus à ce point-là. Fait que La majorité du monde ne le verront pas, la différence. Mm-hmm. Ah, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est pas facile à voir à l'œil nu. Là. Moi, j'ai un bon œil. Puis même des fois, là, je regarde l'un puis je regarde l'autre, je me dis... Ce qu'on peut noter, par contre, c'est qu'il n'a pas embarqué dans filmer en 4K, ce qui est le cas des nouveaux téléphones qui ont été annoncés. Ouais. Le Note 3, par exemple, va filmer en 4K. Donc, c'est intéressant de noter qu'il n'a pas embarqué là-dedans. Non, la GoPro... Une tablette qui va tourner 4K. Oui, mais je trouve ça inutile, moi, personnellement. Parce que les téléviseurs 4K sont pas légion. Ah non, mais attendez. Ouais, mais là, moi, je vais vous arrêter de photographie, là. Ouais, mais... 4K peut être utile. On peut, on peut zoomer dans l'image. Si on décide de monter en HD 1080, le 4K nous permet de zoomer 4 fois. C'est vrai. Donc, on peut se retrouver, disons, un exemple. On fait une entrevue avec une personne qui est assise sur une chaise. On fait un plan large. Ben moi, en plein dans la réponse, je peux couper en zoomant dans l'image un medium shot qu'on appelle en télé, un plan rapproché ou même un gros plan. Ouais. On peut s'y rendre, là, puis la perte de qualité sera pas là si on s'en va en 1080. Si on reste en 4K, on oublie ça. Mais il y a assez de pixels pour aller en 1080 puis zoomer dans l'image. Je suis d'accord avec toi, mais on parle d'un téléphone. C'est ça le détail qui est comme important. Ben, une autre anecdote. Je suis loin d'être convaincu que sur le téléphone, ça va valoir la chandelle vraiment. Ben, écoute, moi, je travaille pour des émissions de télé avec des iPhones. On sert des iPhones des fois pour faire des capsules web ou même des fois aller en ondes. Fait que s'il y a du montage qui est fait, moi, en tout cas, c'est ce que j'allais dire. Au niveau journalistique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux journalistes de tout faire, de filmer, prendre la photo, envoyer ça avec sa 3G, etc. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour quand tu montes derrière, te dire « Ok, bon, ben, j'ai reçu ça d'un téléphone, mais recadrer son travail. » Oui, ou à la limite, tu peux le mettre dans un petit coin de l'image pendant que le truc principal passe. Puis là, toi, tu as réussi à avoir une bonne image. Je vais me faire l'avocat encore du diable parce que j'aime ça faire ça. Mm-hmm. Qui dit 4K dit fichier beaucoup plus gros. Oui, par c'est très lourd, c'est 4 fois. C'est ça. Fait que on parle d'un téléphone en général que tu peux pas mettre à jour ta mémoire, qui a 32 gigs en grosse moyenne. Ouais. Oui, il y en a des 64, mais je sais pas, je vois pas beaucoup de mais moi, si, j'avoue. Mais on revient à l'épisode 36 ou 37, j'ai parlé de l'avenir du photojournalisme. Ouais. Puis si je finissais en disant, est-ce que ça va s'appliquer à Instagram vidéo. Mm-hmm. Ouais, là, on parle de ça. On parle d'augmenter la qualité, la résolution. Moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas. Puis Tu penses vraiment que le journaliste va faire du photomontage pour être capable d'aller chercher juste l'image, comme toi, tu fais, non, mais de réduire ça pour les logiciels? C'est là que je pense que je suis moins convaincu, là. Tu sais, lui, il va prendre la vidéo qu'il a faite, puis il va le prendre, il l'éditera pas ou minimalement. Ben, il va couper... C'est juste le bout qu'il veut garder, mais je le vois mal prendre Adobe Premiere puis dire « Ok, ben là, je vais réduire ça, je vais changer ça. » Non. Tu vois, au contraire, je vois que avec tes deux doigts, comme quand tu zoomes dans une photo, tu vas zoomer dans ton vidéo, tu vas aller faire le plan médium, après tu vas revenir au plan large. Ah, il va y avoir des outils d'édition adaptés, c'est ça que je ferais, moi. Mobile. Puis... Ben oui. Mais de toute façon, là, on ne filme jamais des 30 minutes d'affilée. C'est assez rare, là, moins d'avoir un truc statique puis, ou une entrevue que tu as vraiment... c'est ton seul appareil. T'es moi d'être rabat-joie. Non, mais tu as le droit, c'est parfait. L'avocat du diable. La mémoire, on voit beaucoup d'évolution là-dessus. On le voit, le Note 3, il est offert qu'en 32 et 64. Ouais. Quand Linux, enfin Ubuntu a présenté son téléphone, c'était du 128 gigs. Là, à Apple, c'est quoi? C'est 32 64. 64 ou 128. Oui, c'est ça, 32, 64, 128. Donc, on commence à voir cette montée au niveau de la mémoire en tant que... Mais la mémoire ne coûte plus rien comparé à il y a quelques années. Mais il est là, encore en 16 gigs, le 5C. Le 5C, même pas le 5S, il commence à 32, je pense. Oui, 32, 64, 128, je pense. Enfin, à confirmer, mais... Mais l'OS prend de plus en plus de place. Aussi, oui, c'est ça. Bon, et après vérification... Christian a raison, c'est 16, 32 et 64. J'aurais bien trop aimé ça, parce que je l'ai vérifié, parce que bon, moi j'ai un 4 à la maison, j'aurais bien aimé, puis j'étais déçu que ce soit pour 32, j'avoue. Je m'excuse au nom de tous les Français. Ouais, vous êtes pardonnés. Non, j'allais faire une blague, on n'a pas pris le bon échantillon ce soir pour... C'est une blague. bon, et pour enchaîner... passer du iPhone 5S, on va passer au Nokia Lumia 1020, que Benoît connaît bien aussi. D'ailleurs, ben, c'est l'événement où on était hier soir. C'était le lancement canadien du Nokia Lumia 1020. Et ce petit appareil, on en a déjà glissé un petit mot, un capteur de 41 mégapixels. C'est assez impressionnant. C'est fou. Et en fait, c'est pas, ben, c'est 41 mégapixels, mais les pixels effectifs utilisés, c'est 38 en ratio 3 pour 2 ou 34 en 16:9. Parce que il y a de la stabilisation. Donc, ils servent des pixels comme ça pour autour du capteur pour la stabilisation. Ce qui est quand même pas non. mal, là, ben, c'est respectable. Oui, oui, c'est assez impressionnant, là, surtout dans les conditions idéales et tout ça. Là, tu peux avoir une photo là, à 40, ben, disons à 38 mégapixels, là, une photo plutôt impressionnante. Évidemment, bon, Benoît l'a testé parce que lui, il se l'est procuré aux États-Unis il y a 3 semaines, je crois. Quelque chose comme ça. Un mois et demi. Bon. Donc, lui a eu le temps beaucoup de s'amuser avec. Moi, ça fait 24 heures que je l'ai, donc c'est encore tout nouveau. Mais hier, on l'a essayé un peu, justement, au Musée Grévin, puis après aussi. Puis c'est très bien. Il y a un zoom à l'intérieur, mais c'est un zoom numérique, si on veut. Par contre, tu as tellement de flexibilité avec 38 mégapixels effectifs utilisés. Et ce qui est génial, c'est que tu peux zoomer, prendre ta photo, et si tu n'es pas content de ton cadrage, tu peux zoomer out et revenir à une photo plus large. Parce qu'en fait, quand tu zoomes, pris la photo. Oui. Okay. Il a pris la photo pleine largeur, okay. mais il te fournit une photo zoomée qui est, je crois, c'est-tu celle-là qui est à 5 mégapixels, je crois. C'est quand tu la partages, en fait. Ah c'est oui, quand tu la partages en ligne, il la met à 5 mégapixels. Oui, mais quand tu es zoomé, tu n'as pas 41 mégapixels parce que tu ne pourrais pas zoomer out. Je ne connais pas ce détail-là. Ça, c'est une pose une mais c'est, enfin, c'est des cols, oui. Ça sera à voir quand je ferai moi-même le test dans quelques épisodes, probablement deux ou trois épisodes. Mais c'est vraiment génial parce que, justement, on peut faire un gros plan sur un visage de quelqu'un ou deux personnes qui discutent ensemble. Puis finalement, on dit « Ah, il manque un bout d'épaule » ou bien « J'ai coupé le haut de la tête », des trucs du genre. On appuie sur un bouton et on revient à l'image originale de 41 mégapixels qui n'est pas zoomée. Et là, on peut recadrer comme on veut. Puis, en fait... C'est très, très cool. C'est cool. Je le fais déjà avec des photos de 18 mégapixels. Fait que je peux très bien m'imaginer à 41 comment que ça se fait très bien. C'est ça, exactement. Mais bon, c'est vraiment... Le zoom te sert surtout à mettre l'accent sur une portion de ton image. T'assurer aussi que tu es bien au focus, que la mise au point est bien effectuée. Et après ça, ben, tu prends ta photo puis tu recadres comme tu veux. C'est génial. Quand tu le prends en main, écoute, tu vois que le capteur prend de la place. Je veux dire, on parle d'un capteur de 41 mégapixels, oui. On a discuté de questions marketing hier parce qu'évidemment, ça fait plusieurs téléphones que Nokia est très fort sur le capteur. C'est assez impressionnant quand c'est en basse luminosité. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'il y a eu un vrai travail, sauf que je pense que le marché n'avait pas cette perception-là parce que ça parle moins que des chiffres. Ouais. Donc, ils sont allés très haut dans les mégapixels parce que ça leur permet de dire, voyez ce qu'on est capable de faire avec un téléphone. Et les trois quarts des personnes, tu leur parles de 41 mégapixels, ils font, oh waouh, c'est que ça doit prendre des belles photos. Ouais, même vrai. Si c'est pas vrai. Non, c'est ça. Il y a encore cette perception que plus de mégapixels égale mieux. Donc, pour eux, c'était un argument marketing, mm-hmm. même si derrière, le vrai travail qu'ils ont fait, c'est sur le capteur. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Mais quand tu prends le téléphone, tu le vois que le capteur est gros, que ouais. c'est pas un truc qui est mis dans un téléphone. En fait, c'est qu'au dos du téléphone, tu as un cercle d'à peu près 3 cm de diamètre qui donne l'impression vraiment d'un objectif, si tu veux, même si l'objectif est beaucoup plus petit. Il y a une espèce de renflouement, si on veut. Et là, il y a un flash qui est quand même assez large. Hein? C'est pas juste un petit... Ouais. Et c'est un flash au xénon. Au xénon, c'est ça. C'est une grosse différence. Non, c'est puissant. Ouais. Ce qui est génial, par contre, c'est que cet appareil-là a à peu près tous les contrôles manuels. Donc, on peut avoir de la correction d'exposition, on peut avoir la vitesse, on peut faire un focus manuel, une mise au point manuelle, et on a l'ISO et la balance des blancs. Ouais. Il manque seulement l'ouverture qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas flexible, si on veut. Avec une application, sûrement. Probablement. Ouais. Donc, application mais sinon, je veux dire, puis je l'ai essayé, si on photographie un truc qui est vraiment très près, l'arrière-plan là, va être flou et ça fait des beaux effets si on veut, donc il suffit juste de s'adapter, faire comme si on avait un objectif à focale fixe si on veut, puis on se positionne de la façon pour l'effet qu'on veut donner, tout simplement. Moi, j'ai hâte de lire ton test complet, d'entendre ton test complet. Ouais. Tu vas bien t'amuser avec. Oh oui, c'est clair. Et au Canada, il va être offert, je crois que c'est chez TELUS et Rogers. TELUS et Rogers, c'est une première pour Nokia d'offrir un téléphone chez deux opérateurs. Chez deux, mais c'est que moi, je l'ai déjà dit, je trouvais ça dommage qu'il y ait des exclusivités sur certains appareils qui sont géniaux, qui sont bien conçus. Et là, toi, tu n'es pas client chez tel fournisseur, ben, tu ne peux pas avoir l'appareil. Ben, ouais, ça m'est arrivé, en moi. Effet. L'année passée, j'avais un iPhone. Je décide d'aller vers Samsung. Ben, mon fournisseur cellulaire, il n'y avait pas de Samsung. Je lui ai dit, ça faisait quoi, 16 ans que j'étais avec lui? J'ai dit, j'aimerais avoir le Samsung. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne peut rien faire, monsieur. Ben, parfait. Je vais aller chez le concurrent. T'sais. Finalement, le concurrent, c'est la même compagnie. Oh ouais, c'est juste que, bon... T'es passé de Philo à Rogers. Les bonnes vieilles tactiques d'avoir deux noms de compagnie, mais avec un seul propriétaire. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est ça. Moi, ça me frustre parce que, bon, j'ai pas les moyens d'acheter ça débarré. Ça coûte une fortune, ces téléphones-là. Fait que... Non, mais c'est ça. Ça prend quelqu'un, soit qui l'a pendant peut-être 6 mois, 1 an, qui le fait débarrer, puis là, tu l'achètes usagé à la limite. Mais pour le grand public, clairement, il y a une perte au niveau de... Tu sais, quand c'est bloqué chez un opérateur, il y a quand même une perte. Mais là, le fait qu'il y en ait deux, c'est génial parce que ça vient d'agrandir le bassin de clients potentiels drastiquement. Et ce que j'allais dire aussi, c'est qu'au Canada, il va être offert en jaune, qui est un jaune... Un jaune serein, hein? C'est très flash. Un jaune fluo. Un jaune presque Big Bird, fluo. Là. Mais c'est très beau. Moi, je trouve ça très cool. Et en noir qui va être offert. Donc, puis, ah oui, l'autre truc, il y a un accessoire. Est-ce que c'est de ça que tu voulais parler? Ou... Non, j'allais juste dire que ceux qui connaissent le Lumia 920, c'est pas la même finition. C'est pas du brillant à ce point-là. C'est quelque chose qui est très, très mat. C'est beaucoup plus mat. Mais ça se tient bien en main. Puis, tu vois, justement, ils ont mis l'objectif plus haut pour pas que tu aies toujours la paume de la main ou en tout cas le bout du doigt là, dans l'objectif. Fait que c'est quand même bien pour ça. Mais de toute façon, vu qu'ils ont vraiment mis l'accent sur la photo avec cet appareil-là, ils vendent une espèce de petit boîtier qu'on met par-dessus et qui a un renflouement comme pour avoir une poignée, comme une grippe en bon français. Mm-hmm. Et dans le renflouement, il y a une pile. Une batterie qui te donne une demi-charge de plus à ton téléphone. Ah, par induction, c'est ça? Non, il y a une prise. C'est une prise. Ah oui, c'est une petite prise comme ben ça. Ben oui, si un petit connecteur. Mais bon, moi, le boîtier que j'ai, c'est un boîtier plat, là, ordinaire. Mais la caméra grip, tu as la prise USB, en fait, qui se branche. Ah oui, c'est ça, c'est que tu as une petite prise USB qui se branche ici. Donc, ça rallonge un tout petit peu l'appareil, mais ça se branche où tu devrais brancher le chargeur. Ouais. Et ça te rajoute vraiment une poignée et tu as le bouton d'appareil photo. Qui se superpose et qui est vraiment bien positionné. Et tu peux visser ton trépied dessus. Oui, en fait. Et en plus, c'est ça, il y a un truc pour les trépieds en dessous. Okay. Donc, ils ont vraiment pensé à tout. Et c'est seulement 75$ pour avoir une pile qui te donne 50% de plus d'autonomie. Considérant que les battery packs, voyons, les pochettes avec batterie, c'est pas mal ce prix-là en général. C'est 60, 80, 100$. Puis un étui qui a rien, c'est autour de 30, 40. C'est 20-30$. C'est ça. Donc, tu te dis, c'est vraiment bien côté prix, c'est même... intéressant. Puis côté vidéo, je suis curieux, est-ce qu'un de vous sait si ça filme en 4K, par exemple? Non, il ne filme pas en 4K, c'est sûr. Le capteur, il est là? Non, il ne filme pas en 4K. Il pourrait, c'est vrai, mais... Moi, personnellement, j'étais moins impressionné en vidéo qu'en photo. Et puis, j'ai été frustré par le caméra grip, mais ça, c'est autre chose, parce qu'il n'y a pas de prise audio in, tu sais. Ça aurait été surprenant, malheureusement. Non, mais tu sais, tu mets un caméra grip. Pour brancher un micro. Ouais, tu sais, tu mets un caméra grip. Du coup, d'un seul coup, tu penses plus que t'es avec un téléphone. Mais est-ce que t'as essayé un écouteur, un casque d'écoute avec micro intégré? Ça pourrait... Je sais que j'ai tenté d'écouter en même temps que je filmais, puis j'entendais pas le son. Donc, je pense que ça n'a pas été pensé comme ça, c'est dommage, mais bon, ça viendra dans des versions après. Oui, possiblement, soit un nouveau modèle ou ça pourrait être même une mise à jour logicielle, si jamais à l'intérieur, techniquement, c'est possible de le faire, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste de relayer le son. Mais d'ailleurs, l'application Nokia ProCam, qui est avec les réglages manuels, si je fais tout tomber, ça fonctionne moins bien, on parle que le rachat de Nokia par Microsoft pourrait faire en sorte que toute la gamme de Windows Phone ait cette application-là. Donc, on risque de voir des évolutions pour les photographes, pour les mobilo-photographes. Parfait. Donc, bien, on va rester toujours dans les smartphones. On va passer à François qui va nous faire part, nous partager des trucs de pro avec un smartphone. Oui, vous avez sûrement tous vu ça. Je pense que même Stéphane, tu as ça, un objectif pour ton iPhone pour fixer une macro devant. Oui, bien, j'avais fait même, ouais. C'est tout début l'épisode 7, je pense, ou dans ce coin-là. J'ai fait de la photo macro, j'en ai mis, vous irez voir dans les notes d'épisode, chercher les objectifs photo jojo en un mot. Et c'est de là que ça venait et ça m'avait coûté, je crois, c'est 20$ à l'unité, mais c'était 50$ pour 3. Mm-hmm. J'avais fait venir les 3, il y avait une petite téléphoto qui augmentait peut-être de 40% l'image. Il y avait fisheye et un objectif macro. De quoi s'amuser pendant des heures. Tu avais un kit complet. Ouais. Donc, moi, je vais parler de ça à ceux qui ne savent pas encore que ça existe, ces petits trucs-là. Souvent, on commence avec un objectif macro ou un fisheye. Mais là, je vais parler de la macro surtout parce que ça ouvre un monde de possibilités incroyables avec son téléphone. Souvent, on est équipé avec nos objectifs, avec nos appareils, des objectifs macro, wide. Si on aime l'effet que ça donne avec son appareil DSLR, ben on peut y aller aussi avec son iPhone. Mm-hmm. Oui, la qualité va être moindre, mais par contre, entre autres, l'appareil il est tellement plus petit, on peut vraiment l'insérer à des endroits parce qu'on ne pourrait pas se rendre avec son appareil photo. Ben, des fois, comme dans une plante, faire de la macro, tu ne peux pas aller là avec ton gros réflexe, tu vas tout bousiller la plante. Oui. Tu arrives là avec ton petit téléphone. Puis, oui, exactement. Il faut, quand on fait ça aussi, il faut penser à la lumière. Hein. Si vous avez fait de la macro, vous savez, on s'approche de notre sujet. Donc, on crée de l'ombre. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas bon là, pour faire la photo. Il y a peut-être certaines situations que oui, ça serait bon de mettre de l'ombre sur l'objet qu'on veut photographier, mais la plupart du temps, non, ça prend de la lumière. Ouais. Donc, un avantage d'y aller avec un petit appareil, ben, c'est aussi que ça fait moins d'ombre, tout simplement. On peut laisser passer la lumière plus facilement si on se contorsionne un petit peu d'un bord ou de l'autre. C'est vraiment surprenant les photos qu'on peut aller chercher avec ces objectifs-là sur nos petits iPhones. Il y a quand même des trucs qui sont importants de suivre là-dedans. C'est les mêmes règles qu'on va appliquer en photographie normale. Donc, la règle des tiers, la lumière, je viens d'en parler. Le focus aussi, c'est important. Quand on s'approche avec ces petits objectifs-là, souvent le background va devenir très, très flou. Mm-hmm. Ça va être très joli. Si on voit qu'il y a des belles lumières en arrière, ça va faire des belles taches de couleurs. Ça va vraiment faire de quoi de joli. Donc, il ne faut jamais oublier que la composition d'image est encore importante. Même en macro, c'est bien beau de dire « je vais prendre une pièce de monnaie en gros », mais il faut la composer, juste se mettre de proche dessus. Bah, c'est ordinaire. Tu sais. Ouais, tout le monde a fait ça, donc là, il faut aller un peu avec l'originalité. Ouais. Exactement. C'est important de ne pas bouger, parce que souvent, c'est moins lumineux, l'appareil va se mettre en mode plus lent sur l'obturateur. Fait que si vous avez un petit objet pour l'accoter dessus, votre caméra, un mini trépied comme on vient de parler pour le Nokia, ça va vraiment aider de faire ça. Ça, j'ai appris ça en faisant la recherche sur le sujet. Saviez-vous qu'avec votre iPhone, vous pouvez déclencher l'obturateur de la caméra avec le bouton plus du volume des écouteurs? Ah, je l'avais oublié, mais j'ai déjà lu ça, moi aussi. Ouais. Mais je me rappelais pas, je l'ai jamais fait. Je savais pas, fait que c'est parfait pour déclencher sans faire bouger l'appareil. Oui, ça c'est génial. Ouais, fait que ça c'est un autre truc qui est pratique. Il y a, avec Android, apparemment, qu'on peut le faire avec aussi un écouteur Bluetooth. Puis éventuellement, dans quelques épisodes, je vais faire un test aussi d'un petit bidule de la compagnie Belkin, qui est une télécommande, en fait, un déclencheur à distance qui se branche dans l'iPhone. Ou dans le téléphone. Prise d'écouteur, ouais. C'est ça. Puis on appuie à distance sur. Bon, ben c'est ça. Donc là, il n'y a pas de mieux, tu évites le fil. Ouais, il n'y a pas de fil. Mais ça coûte plus cher que l'écouteur qui vient déjà avec l'iPhone. Ouais. Ouais. Quand on est sérieux puis on veut faire de quoi. Oh, oui. Il y a des applications qui peuvent aider aussi. Par exemple, pour aller en mode rafale, je pense pas que l'iPhone de base, il y a un mode rafale. Pas avant le 5S. Bon. Non. Ben, il y a des applications qui le permettent, donc on peut aller dans nos DSA. Même chose pour le foyer, pour le fixer manuellement. Il y a des applications très pratiques pour aider à faire ça. En macro-photographie, c'est important de faire le foyer au bon endroit. Puis on revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission. Testez, amusez-vous, sortez, faites des photos en masse à chaque occasion que vous pouvez avoir. N'importe quel objet banal en macro-photographie peut devenir vraiment intéressant, même si on s'y attend pas là, du tout, même si on se dit « Ah, Il me semble qu'il y a quelque chose de... Non, c'est ça peut n'importe être une touche de téléphone, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, là, on redécouvre un paquet de trucs en Donc, faisant c'est, de la macro. Oui, c'est ça. La macro sur smartphone, c'est vraiment intéressant. Et à force de voir les photos que les gens publient dans le groupe Google+, là, qui s'appelle Photographe Amateur, vous irez voir ça. Il y a de la photo de macro d'insectes incroyable. Moi, j'ai vu, c'est assez incroyable. Et je suis passé à deux doigts de m'acheter un objectif macro, mais là, je trouvais que j'avais assez. De temps, oui, bon, oui, c'est clair. Tu vas l'avoir. Mais je me dis, ah là, c'est l'automne. Mais là, en fait, je me disais, ben, à l'intérieur, il y a plein de trucs que je peux photographier en macro. Fait qu'en tout cas, c'est un combat que je mène contre ma propre volonté. Là. Je vais voir. Peut-être que pour Noël, quelque chose comme ça. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs ou tu as fait le tour? Ou... J'ai fait le tour, absolument. Ouais. Bon, ben excellent. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Et là, une petite annonce parce que je vais en parler plus en détail dans le prochain épisode. Mais cette semaine, ben en fait, la semaine dernière, au moment d'enregistrer, il y avait Adobe qui a fait une annonce assez intéressante pour les photographes parce que, évidemment, vous savez, la plupart des logiciels d'Adobe sont passés dans le Creative Cloud. Il reste quelques logiciels qu'on peut acheter encore de façon indépendante comme Lightroom, il y a Photoshop Elements et tout ça. Mais le Creative Cloud, qui paraissait cher au début peut-être pour certains, parce que ça montait, je crois, jusqu'à 50$ par mois là, pour avoir tous les logiciels, dont plusieurs que nous, les photographes, on n'a pas besoin. Là, Adobe a réalisé qu'il pouvait rendre ça intéressant pour les photographes en offrant un package, un ensemble qui contient Photoshop, Lightroom, Behance, qui est un site d'hébergement pour faire des portfolios en ligne, et un 20 gigaoctets de stockage pour 9,99 par mois. C'est ça, ça commence à... Ça fait 120$ par année pour tous ces logiciels-là, du stockage en ligne et tout ça. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est vraiment intéressant parce qu'avant, je pense que juste Behance coûtait 10 ou 11$ par mois, juste ce service-là. Donc, ou avant même, je pense juste Photoshop coûtait 9,95 ou 9,99 par mois. Et c'est la même chose en euros, 9,99 donc, on se fait avoir. C'est vrai, hein? Ça devrait coûter 7$ pour nous. Enfin, mais non, c'est super intéressant. Mm-hmm. Et justement... ils ont fait une autre annonce, Photoshop, quelques jours après. Photoshop Elements 12 et Photoshop et Premiere Elements 12. Donc, rapidement, là, je vais faire un tout petit survol de ce qu'on retrouve dans Photoshop Elements 12. On retrouve toujours le fameux organizer, là, l'organisateur, le truc pour classer ses photos, trier ses photos. Par contre, il y a une option mobile qui a été rajoutée donc pour synchroniser les albums avec votre téléphone, votre tablette, un autre ordinateur, peu importe. Et ça fonctionne ça de pair avec Adobe Revel, donc R-E-V-E-L, qui est une application mobile sur Android et iOS. Et pendant 30 jours, elle est tout à fait gratuite et on a des téléchargements, en fait des téléversements et téléchargements illimités. Et après 30 jours, si vous ne voulez pas payer, vous avez 50 transferts par mois, que ce soit photo ou vidéo, ce qui est quand même raisonnable parce que, bon, à moins de vraiment aller dans plein d'événements puis prendre une foule de photos que vous avez besoin de synchroniser. 50 par mois, c'est quand même plus qu'une photo par jour. Ben oui, c'est ça. Bien, moi, je trouve pas si mal. Donc, tu sais, 10-12 photos par semaine, c'est quand même intéressant. Mm-hmm. Et de toute façon, on ne va jamais partager toujours 200-300 photos à chaque fois, là, je veux dire, ça dépend des gens, mais enfin, ça peut être intéressant. Sinon, je crois que c'est 5,99 par mois ou 50$ par année, un truc comme ça. Donc, mais ça, c'est vraiment pour les utilisateurs plus chevronnés, si on veut, ou mm-hmm. en tout cas. Ensuite, bon, il y a des options de partage sur les réseaux sociaux traditionnels, mais aussi d'autres sites comme SmugMug et tout ça, là, qui servent justement aussi à faire des portfolios. Dans les albums, on peut aussi partager un lien vers notre album au lieu de partager les photos en tant que telles, les fichiers. Donc, on peut envoyer seulement un lien et on peut permettre ou non le téléchargement de ces photos-là, donc en pleine résolution. Donc, soit que les gens vont avoir juste une version pour voir à l'écran qui est plus petite un peu, ou avoir la pleine version. C'est vraiment personnalisable, si on veut. Et en tout cas, il y a un paquet de trucs dans Photoshop. Là, il y a des effets comme ce qu'ils appellent le zoom burst effect, comme si on fait un zoom pendant qu'on oui. déclenche. Là. Oui, on peut le recréer. Oui, on peut recréer ça après en post-production. Donc, ça peut donner des trucs assez intéressants. Je vais poster quelques photos dans les notes d'épisode parce que pendant la présentation, ben, j'ai pris des captures d'écran pour montrer les exemples, justement. Donc, on va pouvoir voir ça dans les notes. Il y a des effets intéressants aussi, comme un effet puzzle. Donc, tu prends ta photo, ça crée des pièces de puzzle et tu peux en détacher et les déplacer, les faire tourner, comme si ton puzzle, ton casse-tête n'était pas terminé. Oh boy. Hmm. C'est, ben, tu sais, ça peut être drôle. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense aux années 80. J'ai l'impression que c'est vieux. Oui, mais si tu penses derrière ça quand même, qu'en photo, je veux dire, c'est quand même assez cool de pouvoir prendre une portion de ton image que tu n'as pas à calculer toi-même à la main ou aller faire un masque. Ouais, aller je comprends. Tout découper ça à la main. Là, Là Photoshop Elements le fait pour toi. Pourquoi pas? Regarde-moi, tu donnes l'option, tu le prends. Ouais. Il y a des trucs comme le remplissage automatique des coins quand on redresse une image, qu'on redresse l'horizon. Ah. Il va extrapoler ce qu'il y avait dans ah, wow. l'image okay. et il va remplir ton coin d'image pour des paysages. C'est nouveau ça comme fonction? Ça existait-tu ailleurs? Dans ça? Photoshop Elements, c'est nouveau. Avez-vous déjà vu ça, les gars, avant? Non. Moi, je me souviens pas. Non, je ne me rappelle pas. Non, ben, ça me rappelle. Je trouve ça intéressant. Je pensais que dans Photoshop, la CS5, ils avaient mis ça, mais... Non, mais tu pouvais redresser ton image, mais c'est que ça laisse des coins vides quand tu la bouges. Mais là, tu dis autofill edges, et ça remplit les coins automatiquement. Mais moi, je trouve ça brillant. Ouais. Ben oui, c'est génial. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense qu'ils auraient dû l'ajouter dès qu'ils ont pensé au redressement d'image. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'ils le rajoutent là. Ouais. Et dans l'outil pour la correction des yeux rouges, il y a maintenant une option pour corriger les yeux jaunes d'animaux. Pour vrai? OK. Les yeux de chat, les yeux de chien, de tortue, peu importe. C'est Bazinga qui va être content. Wow. Oui. Mais... Pour vrai, il y avait une option de correction des yeux rouges, puis le type, il a dit, on s'est fait demander, mais les animaux, eux, ont fait quoi avec leurs yeux? Il n'y a pas d'outil qui corrige automatiquement, ou le truc des yeux rouges ne corrige pas les yeux d'animaux. Bête comme ça. Donc, pourquoi pas, dans le fond? Tu vois qu'ils sont populaires avec l'Internet qui prend de plus en plus de photos de chats, là. Fait que ouais, voilà, parfait pour les photos de chats. Et bon, ben, je ne ferai pas tout le tour de toutes les annonces, toutes les nouvelles fonctionnalités, mais il y en a plusieurs, des dizaines et des dizaines, c'est incroyable. Et pour Photoshop Elements et pour Premiere Elements aussi. Donc, et c'est des logiciels qui se vendent autour de 120$, je crois. Et donc, ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui fait de la photo de façon occasionnelle et qui veut peut-être pas nécessairement avoir trop d'outils. Comme même si le nouvel ensemble de logiciels est intéressant, il y en a qui veulent pas passer par Lightroom, qui veulent pas avoir le Photoshop complet, parce que ce qui est bien avec Elements, comme vous, c'est Christian qui l'avait testé. Ouais. Hein? Donc, tu avais le mode débutant, intermédiaire et expert. Mm-hmm. Tu peux vraiment te faire prendre par la main pour faire tes trucs et apprendre au fur et à mesure que tu utilises le logiciel. Puis éventuellement, tu passes en mode expert, puis là, tu découvres un paquet d'autres trucs. Et là, à ce moment-là, ben, ça pourrait être le temps peut-être de passer au Creative Cloud, mais entre-temps, pour s'initier, ça peut être très intéressant. Ouais. Tant pour la photo que la vidéo. Justement, est-ce qu'il y a une formule pour ceux qui veulent s'initier avec des mini-cours en ligne? Non, ben en fait, dans le logiciel, ce qu'ils font, c'est qu'il y a vraiment des trucs qui sont automatisés, mais ils t'expliquent un peu ce que ça fait. Donc, tu vas aller utiliser des boutons pour dire « je veux faire tel truc » ou après ça, je crois que c'est des trucs à glissière, ouais. Là, c'est ça. Mm-hmm. Donc, des sliders en bon québécois. Ouais, ouais. Et donc, ça se fait vraiment étape par étape si tu veux. Et si déjà tu connais pas mal les trucs, ben, tu peux arriver puis utiliser le mode expert. Puis là, tu as vraiment toute la puissance qui est offerte, là, toute la flexibilité si tu veux aussi. Donc, voilà. Puis, je tiens juste à mentionner une petite affaire. Vraiment, nous et les euros, on n'est pas réveillés parce que Benoît me faisait remarquer pendant que tu parlais, m'a montré quelque chose. C'est parce que ça aurait été plus cher encore, en fait, parce que l'euro est plus fort, en c'est fait. C'est ça. Donc, ouais. Les Européens se font toujours avoir par la parité de l'euro-dollar. comme pour si les jeux vidéo. Si c'était 9 euros, ça serait 13 $. Oui, c'est vrai. Non, mais attends, ça dépend, c'était quoi le prix fixé en premier? Est-ce que c'était des euros ou des dollars? Oui, mais c'est ça. ça dépend de quel... Il y en a un des deux qui se ferait avoir. D'une façon comme un autre, ça serait l'européen. Ça ne change pas la problématique. La parité ne se fait pas. Ah, mais ça, non, c'est pour un autre podcast ouais, de bon. Finance ou un truc du genre. Oui, non, s'il vous plaît, pas de podcast de finance. Non, c'est ça. Et on va conclure cet épisode avec la critique du Sony RX100 Mark II que Christian a eu la chance d'essayer et c'est quand même tout récent comme appareil. Oui, puis je vais être honnête, je vais en faire une rapide critique, pas parce que j'ai pas aimé l'appareil ou parce que ça en valait pas la peine, mais parce que je l'ai déjà fait. Puis soyons honnêtes, il a pas changé tant que ça. Oui, tu avais fait le RX100. J'ai fait le RX100, puis c'est pour ainsi dire à peu près le même appareil avec quelques fonctionnalités, quelques affaires qui ont été changées. Fait que je vais plutôt parler de la différence entre les deux, dans le fond, plutôt que de faire la critique du nouvel appareil. La dernière fois, bon, c'est ça, je regardais un peu mes notes que j'avais prises, puis j'avais noté son excellente qualité visuelle, une très bonne performance ISO, qui d'ailleurs, c'est dans... amélioré, okay. Est encore mieux qu'il était. Ouais. Il parle d'un 15-20% d'amélioration et ça paraît. Définitivement, les photos en basse luminosité, en 1600 ISO, sont très bonnes. Pour un petit appareil comme ça, je trouve que c'est très respectable. Une des choses qui m'avait beaucoup agacé, c'est que il y avait un anneau autour de l'objectif qui nous permettait de changer l'ouverture ou quelques autres fonctions. Il était beaucoup trop... souple à utiliser. Okay. Là, il tournait trop facilement. Il est très dur maintenant. Okay. Pas au point d'être désagréable, mais on ne peut plus le tourner sans faire par exprès. Il faut que tu le veuilles pour le tourner. Bon, l'écran, il est resté le même. Bon, les options, etc. Ils ont rajouté une fonction, par contre, qui n'était pas disponible auparavant. Le Wi-Fi est maintenant disponible, ça, ainsi bien. Que le NFC. Okay. Mais, je vais garder ça pour plus tard, il y a un mais avec ça. Et je me rappelle parce que je l'avais très bien spécifié. Il y a maintenant un chargeur qui vient avec. Ah oui, hein, ça tu l'avais dit. Ça m'avait beaucoup agacé. Et maintenant, il y a le chargeur qui vient avec. Puis d'ailleurs, ben, j'ai pas la confirmation, j'ai pas réussi à le trouver sur Internet, mais il semble plus se charger par USB. Okay. Par contre, parce que quand je l'ai connecté sur mon ordinateur pour faire des tests, la batterie s'est pas chargée. Fait que ça ne semble plus être une possibilité. J'ai pas réussi à trouver l'information sur Internet s'il charge encore USB. Ça a pas l'air d'être le cas. OK. À vérifier. à vérifier. Dans les négatifs, le Wi-Fi, si ce n'est que pour transférer des photos de votre appareil à votre smartphone, ça fonctionne assez bien. C'est rien d'exceptionnel, mais ça fonctionne correctement. Où je trouve qu'ils ont vraiment littéralement manqué leur coup, c'est qu'ils te permettent de contrôler l'appareil photo avec ton téléphone. J'avais beaucoup aimé cette fonctionnalité du GF6. Lui, c'est raté. Totalement raté. Tout ce que tu peux faire, c'est que tu payes sur le bouton pour prendre la photo. OK. C'est tout. C'est un déclencheur à distance, finalement. Oui. Sauf que le problème étant que l'appareil est gelé. Tu peux plus changer aucun setting sur ton appareil quand tu es mis dans ce mode-là. Il est en mode esclave. Oui. Fait que ça sert à rien. Okay. Vraiment, ça sert absolument à rien. Il faut que tu sortes du mode, que tu réajustes, que tu reprennes, puis tu repèses. Inutile. Vraiment, là, je ne comprends pas qui a pensé à ça. J'avais lu qu'il y avait la possibilité d'envoyer l'image. Moi, j'ai une TV Sony Bravia connectée sur Internet. Tu pouvais envoyer l'image. J'ai jamais été capable de faire connecter. J'ai jamais été capable de faire connecter à mon réseau interne à la maison. Le Wi-Fi, là, c'est pas au point. Okay. Vraiment, là. Mais ça, je me dis, ça pourrait s'améliorer dans une mise à jour future. Ouais. Mais pour le moment, là, pas une grosse réussite. À surveiller pour le micro-logiciel, voir s'il va y avoir une mise à jour, qu'il faut corriger ça. Puis honnêtement, c'est tout ce que j'ai de mal à dire. Parce que c'est, comme la dernière fois, j'avais beaucoup apprécié cet appareil-là. Mais c'était une recette gagnante, le RX100. Exactement, tout le monde l'apprécie beaucoup. Puis moi, quand j'ai vu, ah mon Dieu, ils ont racheté le Wi-Fi, tu sais, c'est une bonne fonctionnalité. C'est raté. Vraiment, là, c'est complètement raté. Puis quand tu dis qu'il faut que tu connectes à ton ordinateur pour pouvoir configurer le Wi-Fi, pour pouvoir envoyer tes photos sur ton ordinateur, vous n'avez pas compris quelque chose, les gars. Là. Vraiment, là, ça ne marche pas, votre affaire. Non, Fait que pour ce qui est du coût, par contre, j'avoue que c'est pas donné. Là, on parle de 750$ canadiens. Là, c'est quand même un petit peu dispendieux. Le premier modèle était, il est 650. 650-700, c'est bon. Fait que, il est 700-750. Encore une fois, à vérifier sur Internet, vous êtes capable d'avoir un peu moins cher. Souvent, là, il y a des petits Entre les deux, là, c'est sûr que l'ISO plus performant, ça joue, là, mais si vous êtes capable de trouver l'autre un petit peu moins cher, moi, j'irais peut-être plus pour l'autre moins cher. Le boîtier est pas mal pareil? Identique. Identique, OK. Identique. Fait que ce qui est un gage de qualité parce qu'il était très solide puis très bien fait. Okay. Fait que de ce côté-là, les fonctionnalités, les menus, tout ça, c'est très, très bien. J'ai rien à dire de ce côté-là. C'est très bien. C'est juste quelques petits défauts là, par rapport à ça. Ouais. Pour le reste, c'est très recommandé, autant que l'autre l'était. Si vous avez les moyens, je vous le conseille. Là, entre autres, la performance, comme je dis, là, en basse luminosité, elle est excellente. Parfait. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient réécouter la critique du RX100, le premier modèle, c'était dans l'épisode 16 à 40 minutes et des poussières. Donc, quelle organisation, ça, Stéphane, quand même. Voilà. On fait du multitâche. Bien, merci beaucoup, ça conclut cet épisode. Bien, merci beaucoup, Benoît, pour ta visite. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci, Benoît. Et merci, messieurs. Merci, on se revoit à l'épisode 40. 40 déjà. Ouais, comme 40, mon âge. 40. Quel timing. Et merci, chers auditeurs. Et pour nous rejoindre, comme d'habitude, vous pouvez nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions à balado ou podcast à objectifnumérique.com. Sur Twitter, c'est au numérique. On attend toujours que François vienne gérer un peu le compte avec nous. Et Peut-être si Twitter commence à prendre de la valeur sur les marchés boursiers. Oui, hein, ça va en bourse peut-être. Ouais, on va peut-être y penser. On va l'avoir à l'usure. On va l'avoir à l'usure. Donc, ça va dépendre s'il achète des actions ou pas. Je peux te faire une formation médias sociaux. C'était mon travail avant. Ah, OK. Et sur Google+, vous pouvez chercher Objectif numérique et chercher également le groupe Photographe amateur. On a plus de 425 membres déjà. Ça augmente rapidement. Et Facebook, même chose, Objectif numérique. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.